poussière et je retournerai. Seul dans mon cercueil, oui, je retournerai. Et même les enfants à qui j'ai donné naissance, ils ne me rejoindront pas dans ma tombe. Pourquoi vais-je donner autant d'importance au bien matériel qu'à l'amour de mon prochain? Non, non. Non, non, non, non, non. Zimbabwe. On doit repartir sans jamais rien ramener. Apprenons donc à partager. On est venu, on doit repartir. On est venu, on doit repartir sans jamais rien ramener. Apprenons donc à partager. On est venu, on doit repartir. Et tout ce que nous possédons comme richesse finira toujours par disparaître au temps de nos prouesses. Nos appartenances à l'oxygène que nous respirons. Hey. Cependant, un brin de gentillesse restera à jamais le chemin qui conduira mon peuple vers l'union. C'est ce qui nous divise, qui multiplie nos différences, frangins et frangines. Et si assez de mal on pouvait partager la grande fraternité, la fameuse pauvreté n'aurait jamais existé. On doit repartir sans jamais rien ramener. Apprenons donc à partager. On est venu, on doit repartir. On est venu, on doit repartir sans jamais rien ramener. Apprenons donc à partager. Sans jamais rien ramener, apprenons donc à partager. On est venu, on doit repartir.